France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 156. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 29 mars 2009, 11h04, bonjour à toi, l'ami! Avant tout ce matin, dans Panique au Mangin Palace, enfin! Tu es totalement rassuré par les mutations entreprises rue de Solferino. Martine, c'est quoi ce bordel dans les couloirs? C'est la braderie. La braderie? Dans le Nord, on fait les vides-greniers. Eh bien ici, on va faire les vides-dossiers. À la braderie de Lille, les gens farfouillent à même le trottoir, ensemble, soudés, dans l'espoir de trouver une bonne affaire. En parti socialiste, on va faire pareil. Tout le monde sort ses dossiers, toutes ces idées sur lesquelles il travaille depuis des années, et on va farfouiller ensemble, soudés, à la recherche de la bonne idée. Oui, bon bah, tu l'as bien compris, l'ami, ce matin, tu redécouvres ici les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose durant 53 minutes d'organiser un beau barnum burlesque autour des actualités manipulées par le prince du monde. Alors communions ensemble, chers amis, au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du jeu de Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux panorama, modeste mais déjanté. Eh bien, selon notre protocole, nous débuterons bien sûr par notre espiègle office, laïque et freudien, durant lequel ce matin, nous t'offrirons un vade-mecum de l'art oratoire chez nos leaders politiques ces derniers jours. Dans la foulée, justement, nous te dévoilerons les ficelles de cette nouvelle stratégie marketing mise au point par notre gouvernement afin d'endormir, bien sûr, tous les mécontents. Ensuite, figure-toi qu'à l'occasion du 1er avril qui pointe ses branchies, nos joyeux fantômes radiophoniques se sont souvenus de quelques canulars absurdes et bizarres, mais que nous ausculterons avec délectation. Immédiatement après, direction Broboul-les-Bains, où nous découvrirons la folle semaine qu'ont vécu Monique et Jean-Claude. Surprise! Et puis, nous enchaînerons par les tribulations de notre facétieux reporter qui s'est passionné cette semaine pour le revival de La Princesse de Clèves, le roman anti-bling-bling par excellence. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvre ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et surtout couvre-toi contre l'épidémie de l'évêché d'Orléans, notre Vatican à nous. Paperback writer. paperback writer, l'écrivain de bouquins. C'est celui qu'en 107, au printemps 1966, les indémodables et britanniques Beatles. Une chanson enregistrée à London, à Londres, où jeudi prochain, justement, se tiendra le fameux G20, joyeux sommet anti-crise, dont les débats doivent a priori nous sortir de la mouise. Non, une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stocks options. Attendez, vous voulez dire que leur profitabilité est transactionnelle? Ah oui, c'est une start-up, évidemment. Oui, ce qui veut dire, c'est que leur capital risque est sous-valorisé. Mais non, pas du tout, leurs taux d'escompte sont convergents. Non, soyons clairs, Ménard. Attendez, j'y comprends plus rien, là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête. Oui, bah, va falloir s'y faire, mon grand, c'est comme ça, ici. Oui, c'est sûr, malheureusement, va falloir s'y faire, mon grand. Car malgré le sommet du G20, parions que les traders continueront à engranger grassement leurs stocks options. À moins que ne souffle sur Londres le vent de la révolution. Enfin bon, il est déjà 11h10, alors ouvrons dès à présent les modestes aventures laïques de ce 156e épisode du Mangin Palace. Et comme l'exige notre tradition, il est donc l'heure pour toi de te vautrer confortablement afin de profiter au mieux de notre malicieuse liturgie qui débute, bien entendu, par notre petite session freudienne en compagnie de Monsieur Divan Beaujolais, le fieffé sacripant de nos coursives, avec qui nous allons t'offrir ce matin un vademécum en 3 points dans l'espoir de décrypter l'art oratoire chez nos leaders politiques ces derniers jours. Ainsi, découvrons tout d'abord comment faire bonne figure sur un podium devant personne, puis comment camoufler l'escroquerie d'une langue de bois, et enfin, comment maîtriser parfaitement le parler cash. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Le Parti Socialiste organisait ce dimanche au Zénith à Paris la journée des libertés. J'ai 2 versions, hein, slow et rock. La tribune tout à l'heure, Martine Aubry a choisi de précéder les critiques. Slow, j'ai pas la musique. On nous dit qu'on n'est pas très nombreux. 1500, peut-être un peu plus. Moi, je trouve que c'est pas si mal. On pourrait peut-être écouter la version avec musique. Xavier Darcos, ministre de l'Éducation nationale, a une première question. Pardonnez-moi, monsieur le ministre, mais vous semblez être un ministre autiste. J'espère qu'on va pas se fâcher pour ça. Puisque pour se faire entendre, il faut manifester, il faut revendiquer. Ah, les oreilles, ça se lave. Mais évidemment, tout cela est inexact. Il est grave. C'est une très grande méconnaissance de la manière dont on travaille au quotidien, ministre de l'Éducation nationale. Oh, c'est pas la peine d'être méchant. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'on cède à tout et que l'on n'est pas une politique, un projet. Et vous pensez nous faire avaler ces balivernes ? Politique avec Thomas Legrand. Bonjour Nicolas. Et dans votre édito ce matin, le parler cash. Vous allez ouvrir grand vos oreilles. Généralement, un propos cash commence avec une moue de franchise et une petite phrase introductive du genre « C'est ce qui me gonfle encore plus que tout ?» suivent des indignations inadmissibles, intolérables et des désignations racailles, patron voyou. Lis bien entre les lignes ! En réalité, on s'aperçoit que le parler cash est le stade ultime de la langue de bois moderne, puisqu'il ne dit rien. Turlupinage. Quoi ? Rien. Conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Zoltan ! Henri Guénaud. Bonjour. Les managers d'une filiale du Crédit Agricole, banque aidée par l'État, qui se serait versé 51 millions d'euros de bonus tout en licenciant 75 personnes. Pourquoi l'Élysée refuse de faire une loi sur le sujet ? Le gouvernement a dit, au patron... Le truc qui s'est passé, c'était pas ta faute. Vous avez jusqu'au 31 mars pour faire des propositions. Ok, bon, c'était ta faute. Mais ce qui compte, c'est que tu t'en remettes. Bah visiblement, ça suffit pas, cette invitation. Hein. Ah bah, c'est pas une invitation, c'est un ultimatum. Mais à ce moment-là, le président a pris la parole. Il a dit, moi j'en ai rien à battre. Ce type est coupable, point barre. Tout le monde le sait. Soit d'ici le 31 mars, nous aurons des résultats. Soit le gouvernement prendra ses responsabilités. Et il a condamné à une soirée de réhabilitation. J'ai l'honneur et l'avantage d'annoncer la venue de notre sage et omnipotent leader, Zoltan. Zoltan. Nous vivons... une crise dont nul ne peut prévoir le terme, dont nul ne peut prévoir les conséquences, dont nul ne peut imaginer jusqu'à quel point cette crise va changer le monde. C'est comme un slip qui serait tout neuf. Au début, on se sent à l'étroit et puis, après un moment, ça commence à faire partie de vous. Cette crise économique, cette crise sociale est également une crise intellectuelle et une crise morale. Ce soir, je veux poser les valeurs. Ce soir, Je veux rappeler des repères. Ça y est, on est tombé sur un délirant. Il va nous faire les fouilles, puis après, il faudra qu'on se mette à genoux, puis qu'on prie pour la paix. Drôle d'ambiance, n'est-ce pas? Assurément, nous sommes désormais au cœur d'une époque où triomphe avant tout une insidieuse rhétorique digne de Protagoras et Gorgias, philosophes antiques et experts dans l'art pernicieux de persuader. Cela dit, dans ce processus pragmatique du discours, nous avons franchi cette semaine une étape supplémentaire. Oui, tu l'as sans doute remarqué, aussi bien dans les grands journaux nationaux que dans la presse quotidienne régionale, le gouvernement s'est offert des pages entières de publicité pour assurer la promotion de ses diverses actions contre la crise, avec en prime un sacré slogan, dis donc, je cite, « Des mesures immédiates, des mesures justes ». Fallait-il se frotter les yeux pour y croire? Attends, c'est de l'argent public au service d'une stratégie marketing. Entends-moi bien, non pas pour une campagne de prévention contre l'alcoolisme, par exemple, mais bien pour nous affirmer que nous avons un gouvernement génial. Hallucinant. Alors, pour tenter d'y voir un peu plus clair ce matin, nous avons tout d'abord essayé de nous souvenir à quand remontait cette dérive publicitaire de l'action gouvernementale. Eh bien, ce fut sans doute à l'époque où l'ancien directeur marketing d'une célèbre marque de café fut intronisé Premier ministre. Française, Français, qui ne connaît pas dans son entourage au moins une personne atteinte de retraite? La retraite, c'est des heures d'inactivité. La retraite, c'est être coupé de la vie sociale et souvent de sa famille. La retraite, c'est un fléau. Quand on tombe dedans, on ne peut pas s'en sortir. Alors, ensemble, faisons reculer la retraite. De 3 ans, pour commencer. La retraite, c'est de la merde. Oui, avec ses méthodes douces, là, c'est bien Jean-Pierre Raffarin qui fut un sacré VRP installé à Matignon. Cela dit, les choses n'ont fait qu'empirer. Et, lors du Conseil des ministres, il y a 15 jours, face aux provocations des 3 millions de grévistes dans la rue, François Fillon a exposé aux membres du gouvernement sa nouvelle stratégie. Tout s'achète. L'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi, surtout moi. L'homme est un produit comme les autres, avec une date limite de vente. Je suis publicitaire. Je suis de ceux qui vous font rêver des choses que vous n'aurez jamais. Ciel toujours bleu, nana jamais moche, bonheur parfait retouché sur Photoshop. Vous croyez que j'embellis le monde? Perdu. Je le bousille. Tout est provisoire. L'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi, surtout moi. Les ministres du gouvernement furent réellement séduits par ce discours publicitaire de François Fillon, qui leur a ensuite demandé justement de plancher sur de nouvelles idées de communication pour enjoliver les actions du gouvernement. C'est ainsi que la semaine suivante, mercredi dernier donc, Patrick Devedjian, le ministre chargé de la mise en place du plan de relance, s'est pointé devant ses collègues avec un spot de réclame à l'usage des citoyens afin de lutter contre les discours défaitistes face à la crise et de favoriser ainsi malgré tout la consommation des ménages. Grâce à la télé nulle, l'ennui recule. Vous trouvez ça drôle, monsieur Pip-Pip ? Ratcha ! Le matelas nul, la terreur des somnambules. Tu exagères, Pip-Pip ! Cirage nul, le cirage des vice-consuls. Mais c'est pour les chaussures, Pip-Pip ! Perplexe, mais furibond, François Fillon resta muet pendant plusieurs minutes, puis il prit la parole en s'adressant directement à Patrick Devedjian. Ici, les règles du jeu sont claires. Moi, je suis ici pour faire marcher une équipe. Je vous déniche les secteurs et vous me débusquez le client. Mais si tu ne joues pas avec moi, tu joues contre moi. Et à ce petit jeu-là, laisse-moi te dire que tu ne pars pas gagnant. Mais j'ai démarché pourtant. Ne te fous pas de ma gueule, ok ? Et j'aime pas les tirs au flanc. T'es pas ici pour les plaindre ou pour leur dire qu'ils sont dans la merde. T'es ici pour leur vendre de la merde. Tu vas arrêter avec tes petits airs de monsieur, votre bite a un goût. Tu vas ranger ta honte en poche et tu vas te battre. Sinon, tu te casses, ok? Bon, là, immédiatement, tous les membres du gouvernement ont très bien saisi qu'aux yeux de François Fillon, l'enjeu publicitaire de son action était en réalité colossal. À tel point que devant ces pages entières de publicité dans les journaux, il n'est ni absurde ni superflu ce matin de se poser des questions essentielles. Où commence la propagande? Où commence la publicité? Où commence l'information? Il n'est pas si simple de répondre à ces questions que cela en a l'air au premier abord. Quelle tentation pour des services d'État dits d'information, qui en général sont surtout des services de propagande, de faire entrer dans le circuit des nouvelles des textes plus ou moins inspirés. Publicité et propagande, si elles se sont, nous l'avons vu à travers les siècles, confondu trop souvent, avait pu être tout de même pendant quelque temps assez bien cantonnées, chacune dans un secteur plus ou moins bien délimité. Peut-on en dire autant aujourd'hui? Le mot de Lincoln est toujours vrai, il s'applique aussi bien aux publicitaires qu'aux journalistes. On peut tromper tout le monde un certain temps, on peut tromper quelqu'un tout le temps, mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Ah ben oui, les frontières sont parfois ténues entre la propagande, la publicité et l'information. Par ailleurs, il est à craindre désormais que cette opération marketing du gouvernement donne quelques idées à d'autres sphères de pouvoir, à commencer par les télévisions privées qui, d'ores et déjà, entrecoupent dorénavant deux fois leur programme par une page de réclame. Et encore, ce n'est que le début. Les pays du tiers-monde vont à la catastrophe car vous connaissez les chiffres. C'est 60 millions d'hommes et de femmes, c'est 17 millions d'enfants qui vont mourir dans les 12 mois qui viennent. Vous voulez de belles photos? Faites-les avec un iClix. Au moment où nous parlons, il y a quelques milliers d'enfants qui meurent de faim, de malnutrition dans le tiers-monde, d'un côté. Passer du chaud au froid, du froid au chaud, c'est vite un enfer pour ma peau sensible. De l'autre côté, je pense que pour l'Occident lui-même, pour nous, pour les nations industrialisées, pour les nations riches, je pense qu'il y a là une menace de catastrophe. Je suis à l'aise avec ma quarantaine. J'ai le cerveau d'une femme de 28 ans. Et que si nous voulons conjurer les périls qui montent... Si fondant, si sablé, si chocolaté... Je pense que l'Occident en crèvera si ce problème n'est pas envisagé et pris à sa racine concrètement dès aujourd'hui. Et pour Noël, le premier mois de forfait est offert. Brouiller les authentiques messages de protestation pour favoriser une autre version des faits plus avantageuse à son égard, voilà l'objet de la publicité en politique. Par exemple, devant les critiques plus que légitimes qu'ont subies ces derniers jours certaines autorités ecclésiastiques, il faudrait fissa que l'Église catholique s'inspire de cette redoutable stratégie. Aux noces de Cana, Jésus demanda que fussent servis en premier les bons vins, puis les mauvais. Si les noces de Cana se déroulaient de nos jours, il n'y aurait que de bons vins, les vins de la treille ardente. Naturels, fruités, parfumés, les vins de la treille ardente. Prenez et buvez-en tous, car ceci est du vin. Non, là on déconne. Attends, vu l'énormité des conneries sur le préservatif qu'a balancé avant-hier l'évêque d'Orléans, franchement là ce n'est même plus récupérable. Enfin bon, pour finir, qu'en est-il de la stratégie socialiste quant à ce nouveau marketing politique? Eh bien, figure-toi qu'ils y travaillent dur, très dur, mais bon, encore une fois, on sent bien qu'ils ne sont pas tout à fait au point. Et pourrais-je savoir sur quelle conception de la publicité vous avez fondé votre initiative? Ah, volontiers, parce que c'est un sujet qui me passionne. Voilà, l'homme qui ne vend pas est un malade, un pervers aux yeux de celui qui achète. Non, c'est le contraire, c'est l'homme qui n'achète pas qui est un malade, qui est un pervers aux yeux de celui qui ment. Qui vend, pas qui ment, qui vend. C'est la même chose d'ailleurs. Enfin, c'est pas la même chose que le contraire, mais ça n'a aucun rapport. Il faut donc concevoir la publicité comme un malade, voyez-vous? Comme un traitement. Un médecin, je veux dire. Un médecin fait un traitement à un malade, voilà. Et un traitement érioque, hein, l'électrochic. Choc, héroïque. Genre, enfin, je m'explique, plique. Le sollicité par la publicité choc, le cortex du non-consommateur est titillé par des scouts, voyez-vous. Des scouts, je veux dire. Le cortex par des scouts. Bon, écoutez, stop! She's expecting more swinging dreams. Suzy, c'est la dernière folie du groupe Caravan Palace. Caravan, c'est bien connu, ça a toujours été la folie de sa sainteté Dieu le Père qui n'en est pas lasse. Dieu est un fumeur de Havane. Je vois ses nuages gris. Alors maintenant, après avoir essayé de comprendre comment propagande et discours politiques valsent de concert en ce moment, la panique au Mangin Palace ouvre dès à présent à 11h27 sa singulière séquence consacrée aux informations du lointain. Avant tout, sache que cette semaine, l'INA, les voix des fantômes qui peuplent l'Institut National de l'Audiovisuel, étaient de fort bonne humeur, dans l'attente de l'événement poilant qui, chaque année, met un peu d'animation dans les sous-sols obscurs et sinueux où est conservée la mémoire de la radio française. Et la rigolade a commencé par l'arrivée d'un bien étrange courrier du petit Francis d'Anguin, 10 ans. Alors, écoutons attentivement l'étonnant récit de notre Bernard l'Ermite planqué dans sa boîte d'archives. Tends bien l'oreille et découvre ainsi la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, nous avons reçu du courrier. De Francis Dieu Lafoy à Anguin. Monsieur, je m'appelle Francis, j'ai 10 ans. Est-ce que vous pouvez me donner des idées de poissons d'avril ? Parce que tous les ans, en 1er avril, moi et ma sœur, on fait la même chose et c'est plus drôle. Je vous remercie, et ma sœur aussi, Francis et Brigitte. Nous avons donc invité le jeune Francis pour lui présenter nos meilleures blagues. Et, pour Marie-Hélène Parignon, rien ne vaut un grand classique. Un bourgeois de Paris qui n'aimait pas sa belle-mère avait donc décidé d'offrir à la personne qu'il n'aimait pas le pire des cadeaux, mais de le faire d'une façon assez subtile. Il avait convoqué tous ses amis, toute sa famille, et il avait solennellement offert en forme de réconciliation un très beau coffret à sa belle-mère. Celle-ci l'ouvrit et à l'intérieur, il y avait un poisson pourri. Et dans le registre des blagues pourries, Frédéric Désert en avait une bien bonne. Et puis, ce poisson d'avril étonnant. En Afrique du Sud, un grand quotidien du soir a annoncé hier à la une la fin de l'apartheid. Sensationnel coup de théâtre, titrait The Star, qui annonçait la formation d'une coalition politique où noirs et blancs décideraient ensemble de mettre fin à la politique de ségrégation raciale. Ce n'était malheureusement qu'un poisson d'avril, mais qui a provoqué, vous l'imaginez, un certain émoi parmi la population sud-africaine. Le petit Francis n'avait rien compris. Il n'était pas né au moment de l'apartheid. Alors, on a appelé Pierre Lerouzic, qui sait si bien parler aux enfants. Le commandant Cousteau vient de faire des déclarations assez étonnantes. Il a dit en substance hier soir « Sous peu, l'homme vivra sous l'eau, comme il vit sur terre. À cet effet, je construirai bientôt, cette année peut-être, des prototypes de maisons sous-marines munies de tout le confort moderne. » Ainsi, des hommes-poissons pourront dormir et manger sans regagner la surface et accomplir ainsi un plus grand nombre d'heures de travail dans le monde sous-marin. Ah, les tranquilles week-ends que nous allons passer dans notre petite chaumière au fond des eaux. Et puis, plus de risque de pluie. Nous aurons vaincu l'eau par l'eau. Et pour finir en beauté, nous lui avons présenté notre blague spéciale crise. Il y avait de l'embouteillage aussi aujourd'hui du côté des Zingues, du moins dans certains cafés. Il faut dire que nous, ici à France Inter, y sommes un peu pour quelque chose. Comme nous n'avons pas perdu l'esprit de farce, pour ce 1er avril, nous avions annoncé ce matin que les débits de boissons distribueraient aujourd'hui des cafés gratuits pour se faire pardonner les ennuis créés par la grève de mercredi. Incorrigible crédulité des Français, il y en a encore un grand nombre qui se sont laissés prendre. Mais le petit Francis trouvait nos blagues un peu ringardes. Alors, il a sorti une sorte de Walkman pour nous faire écouter un one-man show qu'il avait vu le jour même, à Saint-Quentin, dans l'Aisne. Est-ce que quiconque peut dire que ce que j'avais dit n'a pas été scrupuleusement traduit dans les faits? J'ai d'abord le devoir d'agir. Il y en a tellement qui ont le devoir de parler. Faut bien qu'il y en ait un. Quel devoir d'agir. J'ai le souffle un peu coupé. C'est, j'imagine, un poisson d'avril. Et j'imagine aussi qu'il y a tous nos techniciens derrière cette petite farce. La bonne nouvelle, c'est que cette crise, en ébranlant toutes nos anciennes façons de voir et de faire, au fond, elle nous rend de nouveau libres. Poisson d'avril. Oui. Libre de penser. Et un monde nouveau sortira de la crise. Car on sortira de la crise. Je suis tout simplement navré de voir quelles sont les préoccupations d'un jeune Français d'aujourd'hui. Tu crois vraiment qu'à ton âge, il n'y a pas mieux à faire que des poissons d'avril? Sincèrement, tu trouves ça drôle, toi, de faire croire à quelqu'un qu'une chose est vraie alors qu'elle est fausse? Merci beaucoup, Flora Bernard, pour cette nouvelle exploration poético-burlesque au cœur de Lina Attendue et qui nous rappelle ce matin combien la tradition du poisson d'avril est loin de disparaître. Mais bon, pour nous, il est temps maintenant de plonger dans un autre océan burlesque, puisqu'il est l'heure de notre décrochage régional. Voici donc nos actualités locales, direction Grosboule-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h33, rejoignons notre fantasque petit village fleuri où nous attendent Jean-Claude, le mâle alpha, et Monique, la maîtresse femme. Car cette semaine, nos deux héros gros boulets ont décidé pour une fois d'être un peu attentifs à ce qui se passe autour d'eux. Oui, Monique et Jean-Claude ont décidé de ne plus avoir comme seule obsession la guerre de récession. Et pour être ouverts aux soucis du monde, ils ont fait attention au thème des journées officielles. Tiens, par exemple, dimanche dernier, c'était la journée mondiale de l'eau, décrétée par l'ONU, pour mettre l'accent sur l'inégal accès aux ressources en eau potable, un enjeu pourtant majeur du développement, mais bien trop souvent pignoré. Avez-vous déjà vu ? On va à la mer, on va à la mer, on va à la mer. Des gouttes d'eau sur la route des vacances. Moi, j'ai un peu peur parce que c'est la première fois que je quitte le verre d'eau. T'as déjà été à la mer, toi ? Non, mais l'année dernière, j'étais en classe de neige, j'ai embrassé un flocon, après j'étais toute dure. Hé, on arrive ! Ah ouais, on arrive ! Oui, bah arrêtez de vous condenser sur les vitres. Restez assise jusqu'à ce que le bus s'arrête. Ouh, c'est chaud ! Hé, le dernier halo est une goutte de pipi ! Ouais ! Maintenant, oui. Voilà une journée consacrée à l'eau qui a beaucoup intéressé Monique et Jean-Claude, qui espèrent tout de même qu'il ne va pas falloir attendre 364 jours avant que l'on reserve un verre aux quelques millions de terriens qui n'ont pas accès à la précieuse eau potable. Lundi matin, en se réveillant, Jean-Claude s'est tout de suite précipité sur son calendrier pour savoir à quoi pouvait bien être consacrée cette nouvelle journée. Eh bien, nous étions le 22 mars, la journée mondiale de la météorologie. Et ça tombe bien pour Jean-Claude parce que... Ce matin, rapport sur le climat, il ne survivrait que les rats, font des glaces en Alaska et grosse chaleur en Angola. Fonte des glaces et grosse chaleur. Monique explique à Jean-Claude que là, il mélange tout, puisqu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la météo et non pas la journée mondiale du climat qui a lieu le 8 décembre, mère de Jean-Claude. D'ailleurs, toute la Smala est complètement au taquet sur le sujet, même Rémi, le fils de la famille. Je me suis toujours posé des questions sur le service météo. Je me suis toujours demandé si les gens du service météo devaient faire appel à une équipe extérieure ou s'ils avaient leur propre équipement. Je vais tâcher de me renseigner, peut-être qu'on pourra aller y faire un tour. D'accord. Ça te va ? Tu me demandes ça parce qu'il est en train de pleuvoir. J'imagine. Ah, c'est comme ça que tu fais. Dès que quelque chose se passe, t'essaies de te renseigner dessus. C'est un peu ça, non ? Je sais pas. Tu sais pas, hein ? Ouais. Bah, c'est pas une mauvaise habitude de... Ouais. De s'intéresser à tout ce qui se passe autour de soi. Enfin, quand il pleut, ça mouille. C'est aussi simple que ça. Quand il pleut, ça mouille. Monique a donc bien intégré le message premier de la Journée mondiale de la météo. Mardi 24 mars, au réveil, Jean-Claude apprend qu'aujourd'hui, c'est la journée française de l'allergie et il décide de prendre les devants car il sait très bien que le métabolisme du corps humain supporte parfois difficilement certains allergènes. Surtout au moment critique de l'adolescence, il l'a clairement constaté pour son fils Rémi et d'ailleurs, Jean-Claude a très bien identifié ce qu'il est nécessaire de faire pour éviter qu'un ado ne développe certaines allergies. Il y a trois choses que j'ai oublié de vous dire et qui sont très importantes. Premièrement, il déteste les lumières brillantes, mais ça nous le savons. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'exposer à la lumière du soleil. Ça le tuerait. Deuxièmement, le tenir éloigné de l'eau. Ne lui donne pas une goutte d'eau à boire. Et quoi qu'il arrive, ne lui donne pas de bain. Enfin, et c'est probablement le plus important, ne jamais lui donner à manger après minuit. Oui, les théories antihistaminiques du Jean-Claude sont quelque peu discutables, tout comme ses méthodes pour l'éducation des enfants, puisque justement, mercredi dernier, le 25 mars, c'était la journée européenne de l'enfant à naître, l'occasion pour Jean-Claude d'exposer ses opinions sur l'éducation des mômes. Oui, bon, ben, l'idée m'est venue cet été, quand j'étais à La Rochelle. Je passais des vacances avec les gamins. Les gamins, rien à faire, jamais ils voulaient manger de charcuterie. Je me suis fâché, j'ai pris des coups de sang là-bas, sans arrêt. Je dis, tu vas la manger, ta charcuterie, tu vas la manger, ta charcuterie. Alors, l'idée, elle est simple. La base, c'est du boudin. Le boudin bien écrasé. Bien malaxé à l'avance. Voilà. Après, je rajoute de la rillette. J'en mets 2-3 cuillères. Voilà. Après, bon, je ruse un peu pour les gamins, parce qu'ils adorent les couleurs, les gamins. Je rajoute un peu de menthe, voilà, parce que la couleur, ils adorent. On peut mettre de la grenadine si on n'a pas de menthe. Oui, menthe, grenadine, ce qu'on veut. Il suffit d'un peu d'imagination. Il suffit, en effet, d'un peu d'imagination pour rendre concrètes ces journées consacrées à de grandes causes. Et la semaine se poursuit pour Monique et Jean-Claude qui ont décidé de respecter chaque journée destinée à attirer l'attention sur tout ce qui peut tracasser le monde. Et jeudi dernier, c'était la journée nationale de la courtoisie au volant. Et ça, Jean-Claude, il maîtrise. Mais la fille d'à côté, en voiture décapotée, d'un air exaspéré, me fait signe d'avancer. Mais c'est déjà trop tard, encore un peu vers le passé. Elle a des yeux, bip bip. Où elle est prête à me fusiller, bimoulimimoulim. Ça fait plus d'un quart d'heure que dans la circulation. Je voudrais bien lui faire un peu de conversation. Mais c'est la pluie d'orage qui vient tout arranger. Il pleut des sauts, bip bip. Où la pluie lui tombe sur le nez, bimoulimimoulim. Elle est désemparée, qu'elle est belle sous la flotte. Je vais aller l'aider à remettre sa capote. Bientôt dans son abri, la voilà qui me sourit. Je suis trempé, bip bip. Ah, Jean-Claude est trempé? Alors que ce n'est même pas la journée mondiale de la météo ? Oh, il commence à ne plus rien y comprendre. Tandis que pour la journée mondiale du théâtre, vendredi dernier, Jean-Claude maîtrise le sujet. Et d'ailleurs, il l'explique à son fils Rémi. Écoute, voilà, c'est très facile. Il faut, comprends-moi bien, il faut, comment dirais-je, avoir, coûte que coûte, avoir... De la mémoire ? Oh non, ça ce n'est rien. Mais d'abord, avant tout, franchement... As-tu peur de paraître en public dès ce soir ? Je... Réponds la vérité. Oui, papa, J'ai très peur. Il a peur, oh, tu vois. Déjà, c'est un artiste, il a compris. C'est bon, imagine un très grand silence. On vient de lever le rideau. Un silence absolu, complet. On entendrait voler un impresario. Soudain, tu viens de faire une chose qui plaît, un geste inattendu, comique, et ça commence tout à coup. Car ça commence d'un seul coup. Et voilà le silence rompu qui vole en mille éclats. Le public s'abandonne à l'immense rafale qui gronde et le secoue. Et ça, vois-tu, c'est presque aussi bon que l'amour. Le théâtre, c'est en effet presque aussi bon que l'amour, quand il est enrobé de piments, d'herbes séchées et de baies de genièvre. Comme le brin d'amour, ce petit fromage corse, car hier, le samedi 28 mars, c'était la journée nationale du fromage, et Jean-Claude, une fois encore, a tenu à respecter cette obligation. Pas de bon repas sans fromage, dit l'adage. Mais le gourmet ajoute encore, sans fromage de Roquefort. Par le moelleux de sa pâte, la finesse de son arôme, le Roquefort Société se distingue nettement de ses rivaux. Moi, je connais un fromage moelleux savoureux, c'est le chaussé aux moines. Amen. Chaussé aux moines. Voilà, fin d'une semaine émaillée de journées dédiées à un peu tout, du théâtre des allergies au fromage, mais aussi de la météo à l'eau, à la courtoisie des enfants à naître au volant. Tant et si bien que cette nuit, Jean-Claude a eu un peu de mal à faire la part des choses avec sa fâcheuse tendance à tout mélanger. Si la poésie est de l'ordre de l'être, je dirais que le théâtre est de l'ordre de l'agir, hein, et de l'ordre du construire. Vous me faites un petit point météo sur mon week-end là parce que je suis un peu dans le flou. Tout à fait. On dit que tout ce dont vous avez besoin est d'un litre d'eau. N'importe quel type d'eau, qu'elle provienne de la rivière, de la pluie, de la mer ou même du thé japonais. Un litre d'eau maintient la voiture en marche pour environ une heure à une vitesse de 80 km/h. Allez, sans rancune. Tiens, on trinque. Tu crois pas que t'es déjà assez saoul comme ça, non? Grosse vache! Salaud! Je sais pas ce qu'il y a, je suis rablabla. J'ai consulté un spécialiste pour me guérir, mais sans succès. Il m'a dit, si le mal persiste, essayez de prendre un cachet. Y'a rien à faire pour que ça change, et si dans un jour ou deux, y'a la guitare qui vous démange, alors c'était contagieux. Cinq siècles d'expérience donnent encore aujourd'hui naissance à ce fromage de moine qu'est le Saint-Virgeron. Un fromage de caractère, moulé au doigt. Un fromage de fermentation naturelle, qui a su garder la saveur et l'onctuosité d'un véritable produit du terroir. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Alors maintenant, toujours en direct avec toi, après avoir découvert l'absurdité de cette semaine louve-dingue qu'ont vécu Monique et Jean-Claude à Grosboule-les-Bains, il est temps dès à présent à 11h42 de retrouver notre petit reportage Made in Panic, inspiré ce matin, figure-toi, par la revue de presse que nous a offert Xavier Mauduit ici même la semaine dernière. Souviens-toi, Monsieur Mauduit, que nous retrouverons d'ailleurs dans quelques minutes, nous avait fait part du retour en force ces derniers temps, qu'il eût cru, de La Princesse de Clèves, ce sublime roman du XVIIe siècle qui se trouve aujourd'hui au cœur d'une polémique provoquée par notre président, Monsieur Sarkozy. Eh bien, notre facétieux reporter, Monsieur Julien Dugast, a voulu en savoir un peu plus sur cette curieuse affaire. C'est pourquoi il est allé rendre visite à Monsieur Jean Ménard, ancien professeur à la Sorbonne, membre de l'Académie des sciences morales et politiques et surtout spécialiste émérite de cette œuvre écrite par Madame de Lafayette en 1678. Alors, chers amis, juste après la virgule, découvrons pourquoi la princesse de Clèves s'est fait ratiboiser la tronche par un coup de Karcher. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? Ce qui fait que la princesse de Clèves est aujourd'hui sujet de nombreuses conversations, c'est que le président de la République a critiqué un concours administratif d'ailleurs, où la princesse de Clèves figurait parmi les textes à étudier. L'autre jour, je m'amusais, remarquez, on s'amuse comme on peut. Je regardais le programme du concours pour les attachés d'administration. Ben vous devriez. Parce qu'il y a un sadique. Ou un imbécile. Choisissez. Qui avait mis dans le programme d'interroger les concurrents sur la princesse de Clèves. Ben, je sais pas si ça vous est souvent arrivé de demander à la guichetière ce qu'elle pensait de la princesse de Clèves. Alors imaginez un peu le spectacle. Et il a considéré que ça n'avait pas de rapport avec la profession préparée. Alors, du point de vue strict de ce rapport avec la profession, on peut dire effectivement c'est autre chose. Mais à côté de la profession, il y a l'homme qui exerce la profession. Il y a les sentiments qu'il peut avoir, il y a les idées qu'il peut se faire du monde. Et ces idées qu'il peut se faire du monde, eh bien, s'il y a un texte qui peut lui apporter quelque chose, c'est bien la princesse de Clèves. Ça vaut autant que de savoir par cœur la princesse de Clèves. Enfin, j'ai rien contre. Enfin, bon, enfin... parce que j'avais beaucoup souffert sur elle. Bon. Écoutez, je crois qu'il faut que chacun d'entre nous soyons extrêmement prudents dans nos réactions. En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. La tranquillité pour moi, ça n'a pas été de m'en occuper de ça. C'est toi que j'aime, ne prends qu'un aime par-dessus tout. S'il y en a que ça les démange d'augmenter les impôts. Ne me dis point, il en manque un, que tu t'en fous. On commence avec Rosine par les infirmières parce qu'ils sont les plus nombreux. En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. Il allait souvent chez la reine Dauphine. La beauté de cette princesse, sa douceur, le soin qu'elle avait de plaire à tout le monde et l'estime particulière qu'elle témoignait à ce prince, avait souvent donné lieu de croire qu'il levait les yeux jusqu'à elle. Messieurs de Guise, dont elle était nièce, avaient beaucoup augmenté leur crédit et leur considération par son mariage. Est-ce qu'on peut dire que La princesse de Clèves, c'est un roman anti-bling-bling? Oui, ça serait une très bonne formule. Très bonne formule. Il s'agit justement de distinguer le vrai et le faux. Oui. De distinguer ce qui n'a que l'apparence et ce qui est la réalité. Or, les fausses apparences, on peut dire que c'est ce contre quoi tout le roman est dirigé. On a observé un vrai frémissement sur les ventes de l'année 2007, confirmé en 2008, avec un triplement des ventes par rapport à l'année 2006. En pleine crise du monde universitaire, c'est toute la profession qui s'est sentie attaquée, enseignants, étudiants. Selon eux, à travers La princesse de Clèves, c'est la culture que Nicolas Sarkozy cherche à enterrer. Mais maintenant, ça prend une sorte d'envergure que... Tout à fait inattendu. Ce qui est étonnant, c'est que les ventes de ce livre en livre de poche ont explosé, du coup, grâce au président. Bien, je m'en réjouis, parce que l'un de ces livres de poche m'a eu pour auteur. Je dirais que c'est heureux. À quelque chose, malheur est bon. Oui, vous avez raison, cher monsieur. À quelque chose, malheur est bon. Car franchement, qui aurait pensé que la princesse de Clèves, une fois carchérisée, deviendrait ensuite le symbole contestataire de l'anti-bling-bling. Notre époque est incroyable, n'est-ce pas? Cela dit, cette petite polémique, qui, c'est vrai, peut nous paraître anecdotique, est au final assez symptomatique du mépris que subit la culture classique. C'est le triomphe de la société du spectacle. Et pourtant, apprendre à trouver du plaisir dans la lecture de La princesse de Clèves, c'est peut-être le meilleur rempart contre l'outrancière course au profit. Enfin bon, sinon, c'est clair, nous allons devoir apprendre à vivre dans un monde de débiles profonds. Pouvez-vous me dire qui a inventé le zéro? Ah bah non, ça par contre, personne ne l'a jamais su. Mais bon, il est très utile en fait quand il se trouve derrière les numéros. Mmh. Devant, il ne sert pas à grand-chose. Mais par contre, ce qui est très utile, c'est que c'est le seul numéro qui permet de compter jusqu'à 1. Ah ouais? Donc voilà, ouais. C'est le seul numéro. Et sinon, on aurait commencé à 2, quoi. Voilà. Ben, pense-y. Ouais. Si tu t'en irais, si tu me laisserais seul au monde, des fois que t'aurais eu connu quelqu'un que t'aimerais encore mieux. Si tu t'en irais, si tu serais plus ma blonde, si des fois tu m'aimerais plus, ah oh, qu'est-ce que je serais malheureux. Car depuis le jour où tu m'as dit que tu m'aimais, moi je suis fou de toi. Et si des fois tu m'aimerais plus autant, y aurait quelque chose du zéro au fond de moi. tu t'en irais, si t'abandonnerais ma vie, si tu voudrais t'en aller dans les bras d'un autre cœur, si tu t'en irais, laissant nos âmes désunies, si tu tenterais d'oublier, je ne ferais que verser des pleurs. Car depuis l'instant de l'heure où nous fûmes amoureux, moi j'hume, hecte mes yeux de joie, mes larmes, loin des alarmes, coulant d'un charme voluptueux. Je crois bien que je mourirai si un jour tu t'en irais. Si tu t'en irais. Ce fut la grammaire frauduleuse mais néanmoins savoureuse de Jean Yanne en 1964. Car comme chacun sait, les si n'aiment pas les raies. Et pour mieux les détourner, il faut apprendre ces déclinaisons. Rosa, rosa, rosam, rose, rose, rosa, rose, rose, rosas, rosarum, rosis, rosis. Alors maintenant, à 11h51, nous accueillons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et, afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, camarade? Voilà, on dit des choses, moi j'en ai su. Et j'ai su parce que j'ai cherché les articles qui ne parlaient pas de notre président. Oui. Voilà, pour la revue de presse, voici un nouveau jeu, plus fort que le ni oui ni non, c'est le ni sarco ni crise. Bah donc, oui, c'est très dur. C'est très dur, des mots à ne pas prononcer pour un jeu à faire en famille. Et justement, cette semaine, la presse nous offre de belles histoires de famille. Oui, tenez, l'hebdomadaire Money Week, la vie financière, un journal prolétaire donc, se demande cette semaine si les bijoux de famille ne seraient pas la meilleure valeur refuge face à la crise... Face aux problèmes économiques. Page 49, on apprend qu'en Islande, un pays presque en faillite, les habitants se précipitent sur des montres de luxe. Ils nous disent sur des Rolex... Voilà, ça y est, quelques dizaines de milliers d'éditeurs viennent de perdre au jeu du ni sarco ni crise. Ouais, c'est vrai que ce n'est pas facile de trouver des articles qui n'évoquent pas notre président. C'est presque aussi difficile que de trouver des infos sur la grande famille socialiste. Et pourtant, le China Daily nous apprend que le Centre des Arts Dramatiques de Shanghai va monter une comédie musicale à partir du Capital de Karl Marx. Ah, c'est énorme. Alors bon, bien sûr, ils vont simplifier le propos à une vulgarisation qui sera sans doute très utile pour les socialistes français. Un peu comme faire croire qu'on a lu Notre-Dame de Paris de Victor Hugo quand on a entendu beugler Garou et Hélène Ségara. Oui. Dis un quoi, Ségara? Alors, je sais on pas s'en fout, tout, on s'en fout. Allez, l'information qui décrit le mieux ce qui se passe au PS, c'est sans doute cette dépêche de l'AFP qui nous apprend que jeudi dernier, au tribunal de Doboj, en Bosnie-Herzégovine, Miroslav Miljic, 26 ans. Ah, vous le faites bien à chaque fois. Ah, je parle très bien le bosniaque herzégovien. À 26 ans, a été condamné à 6 ans et demi de prison après une dispute avec sa belle-mère. Ouais, bon, faut aussi dire qu'il lui avait tiré dessus avec un lance-roquettes anti-char avant d'essayer de l'achever avec une Kalachnikov. Et en plus, il l'a manqué. Bon, increvable, la belle doche. Vous voyez, c'est un peu comme pour les socialistes avec Ségolène. Oui. Insupportable, mais inévitable, elle s'accroche. Alors s'accrocher, c'est aussi ce qu'a fait cette semaine Hélène Sun, dont l'histoire nous est rapportée par le Fairfield Minuteman, un journal local de Fairfield dans le Connecticut aux États-Unis. Je me demandais où c'était ce truc. Voilà. Dans le Connecticut, et ça va mal, hein. Ça va mal dans son couple. Hélène, elle voulait absolument avoir une conversation en tête-à-tête avec son mari, Robert. Elle le trouve trop fuyant. Alors, pendant qu'il dormait, elle s'est attachée à lui avec une paire de menottes. Alors, quand il a essayé de se libérer, elle l'a mordu, Hélène, au bras, au torse. Il a fallu l'intervention de la police, un truc horrible. Comme quoi, on n'évince pas impunément une femme qui veut votre tête, comme au PS. Et tenir tête, c'est important. C'est ce que nous apprend le quotidien sénégalais Le Soleil, qui cite les résultats de travaux scientifiques publiés dans le magazine Archives of Sexual Behavior.